cas c'est fini. Un ovni dans la Guinée. Qui veut la faire à Bibi? Habibi, moi c'est ma bouche la Guigui. Un trop sur le survêt. Énervé, envie de faire un tête avec un traître. Alors je fume un pet, ça me rendra moins bête. Je me montre pas trop, mais je fais des scores, c'est un fait. Tchik tchik bam bam, j'arrive en petit smile. Et j'ai galéré comme le rappeur Jit Mile. Je fais des hit smile, c'est pas parce que j'ai kiffé voir mon son au state que j'ai validé ce qu'a fait 6ix9ine. Faut que je passe dans 6-9. Les jeunes ils font comme dans GTA pour te prendre le GSX9. Je vais pas changer même si les gars disent s'ils peuvent. Et les MC qui me rattrapent s'ils peuvent. J'aime pas montrer, je préfère passer incognito. Dieu merci, je t'ai réveillé, je conduis les gros bolitos. Pas trop me respecte, j'arrive en show en hélico. C'est là, c'est pour ceux qui disaient que j'étais finito. Pour me doubler votre foi, alors des couilles de mammouth. Le soir ça tue le tasse, mais sans couvrage à la barboute. J'ai sorti l'album, j'éteins tout, je vous dis à toutes. Je vous aime la team, pas de chez Salut. Voiture personnalisée, banque décentralisée. Neutralisé, trop parano pour être balisé. C'est ténébreux, fin voyou, c'est un choix de vie. Fais les sous, fais croquer tes proches, tes amis, change de ville. C'est pour ceux qui tiennent le bloc à l'année. Le gérant veut que ça soit carré comme à l'armée. Tous les 6 mois, ils attendent ma sortie du maquis. Et je reviens toujours fort comme le look et Kajaki. Le sang, c'est du talent, c'est pas de la magie. On me dit que je suis conçu pour faire des hit machines. Elle danse sur du tool, c'est de bon platine. À Marseille, l'été, on se fait le blond platine. Elle m'a fait un clin d'œil, elle était dans la cliquille. J'ai serré moins de la loque, je la pipi. À ce qui ça fait des cris, que pour le temps la cri-cri. Des gens m'ont rendu écrit, il a fallu que je tri-tri. Pour la santé des proches, ouais, souvent je pri-pri. Ça déguste la verre, toi elle demande à pri-pri. Ça s'habille en DP, en stone, en North Face. Les fêtes, les cortèges, tout le monde fait bordel. Ça piaffe, c'est mortel, elle n'épeine le cocktail. Piaffe, c'est mortel, elle n'épeine le cocktail, hein. J'fume la Doja à Fraisa. Et j'ai perdu des kilos comme Sarah Fraisou. Allume le Frozen, on est trop zen. On n'a pas froid aux yeux, on est trop simple. Trop si, trop ça, il me faut aussi, il me faut ça. Vite fierté, j'me suis imposé au premier rang comme Rosa Parks. Suffit que tu lèves les mains pour que ça parte. Y'a toujours le peupon dans la part. Mon style de partout dans la carte. Cric cric cric, pam pam pam. Reste fort dans ta vie même si y'avait pas papa. J'suis dans le russe et je roule la balle. J'suis pas une calage, j'ai un disque d'or dans la malle. Ça vient marquer comme au carnaval. Qu'est-ce que tu me dis, y'a personne qui arrête les balles. Et dans ma team, y'a personne qui avale. Faut se mettre dans un monde quand tu es en cavale. Ils font des tentatives, pour eux c'est normal. Je laisse croire que c'est les plus forts tant que j'ai le moral. J'suis pas tendu comme Sin ou comme Tel. Pour faire mes sons, j'vois et peine, c'est le cocktail. J'rappe pas comme un tel ou un tel. J'viens de loin, j'fais du duel, c'est mon tel. En ce moment, j'vois pas trop mamzelle. J'job, j'job, j'suis énervé comme Zelle. J'les braque, ouais, un peu comme Dendel. Authentique, ouais, un peu comme ZZ. Ils font les shows gros, moi je reste zen zen. Plus de Cali, y'a du frozen zen. Et ça fait combien de temps que les assassine? Sans deux doigts de me la faire, ouais, l'assassin. Et à chaque album, gros, je marque l'assassin. Je veux pas finir me noter comme le passant. Le charbon, c'est le docteur, moi je suis le patient. Ça me fait goûter des bœufs aux fruits de la passion. Moi, ce qu'a fait mon cœur, non, c'est pas la science. Je me suis remis au sport, je vais faire de la natation. Je les fais vibrer, ils sont mon sensation. Je veux pas finir comme le rappeur Xentation. Ici pour te niquer, ça fait association. Quand ils s'affrontent, c'est bien, ils veulent niquer la relation. J'entends des vannes niquer, t'es mort à la place des klaxons. Et quand y'a un bruit, ça parle pas anglo-saxon. On aime quand c'est la fête, on aime quand y'a de l'accent. On a la mer, le soleil et on a l'accent.